Ressortissant étranger domicilié à Paris, vous demandez un titre de séjour. Si vous êtes ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, sauf Bulgarie et Roumanie, ou si vous êtes ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, tapez 0. Si vous êtes ressortissant de la Bulgarie ou de la Roumanie, tapez 1. Si vous êtes étudiant, quelle que soit votre nationalité, tapez 2. Si vous êtes assistant de langue vivante, tapez 3. Si vous êtes commerçant, industriel ou artisan, tapez 4. Si vous êtes algérien, tapez 5. Si vous êtes scientifique chercheur, cadre de haut niveau, salarié en mission ou demandeur d'une carte compétences et talents, tapez 6. Si vous demandez l'asile, tapez 7. Si vous appartenez à une autre catégorie, tapez 8. Si vous désirez voyager, tapez 9. Vous pouvez également consulter le site internet de la préfecture de police à l'adresse suivante www.prefecturedepolice.fr à la rubrique délivrance de documents ressortissants étrangers.